tu vas passer au tribunal, genre encore une fois. Bah oui, je vais repasser au tribunal. Bah oui. Mais non, bah écoute, c'est simple, frère. Après un bon baveu, y'a pas mort d'homme, tu vas pas rentrer en prison. Ouais, je sais, tu relances 50 comme les enfants. À force de tomber, c'est du karaté, mes chutes. Mais on va pas s'arrêter non plus, on veut pas rater les buts. On entreprend, entre grands, et entre temps, le rap me fait durant deux ans. Mais je veux pas hacker les pubs. Je compte plus les feuilles où j'ai baladé mes plumes. Dans les lettres, je l'élève, même si j'ai pas tapé d'études. Chut, vaut mieux se taire quand la connaissance manque. J'ai vu des vieux se perdre en même temps des adolescents se vendre. Si dans le moteur je n'ai pas trop d'essence, je tente de courir pour se nourrir avant que l'obsolescence plante. Oui, je m'éloigne de ce cas parasité ma vie. Joue pas le parrain dans les parages, des cas parasites, t'es ravi. Ouais, t'es pas là si t'es pas vif. Dérange pas ton absence, tes constats n'ont pas de sens. Comme le paradis des nazis. Pour avoir la paix, y'a des efforts à fournir. Si t'aimes la force, guette la faune et ce que porte la fourmi. Ouais, 13, bien ou quoi? Ouais, je suis passé chez moi, c'est bon, je me suis changé. D'accord, et puis je voulais dire, viens, on va à Plan Cabane la vite. Ah ouais, tu veux faire quoi? On va manger un truc vite fait. D'accord. Je te parle d'un mec. Ah ouais, ok, c'est quoi les embrouilles et des soucis? Vas-y, t'as son souffle, c'est très bien, nous. Ouais, c'est des histoires cheloues. Ouais, mais nous on en veut pas, nous on est là, on doit avancer. Même si on tombe, on se relève quand même, tu sais. Parfois, l'impression de vivre un mauvais coup du sort. On se fait plus mal en tombant parce qu'on connaît le goût du sol. Pareil qu'on est surveillé dans le ciel des foutus drones. Remplir l'assiette, mon foutu rôle. Pendant que certains sont surpayés. Au bout du globe, là, sur papier, je gratte ma rime. Pendant que papé regarde ma rime. En train de tacler les gars de ma team. Regarde dehors, c'est le cataclysme, gros. Un tas de bâtards dispo. Me parle pas de ce que dispo. L'éthique ou même la lispo. De toute façon, c'est pas ma guerre. Des fois, je me dis, mais qui le regrettera quand on quittera la terre? Hélas, les envieux veulent mettre du poison dans nos séances. De moi-même, je suis le seul maître. Comme un poisson dans l'océan. Et c'est en silence que les projets aboutissent. Si tu parles trop, les gars te maudissent. Pour ça qu'en gros, j'ai pas tout dit. Et quant au roi des finances, ouais, dites-lui de partager sa part. Parce qu'en bas, départ en bas, avec une barre pour seul rempart. Gros. Allô? Allô? Ouais, mon autre, tu vas jamais le croire. Arrête, bonne nouvelle ou quoi? Le mec, je viens de le croiser. Je viens de le croiser là. Sérieux? Je viens de parler du truc. Ouais. C'est quoi? Il nous a devancé. Je te jure, il nous a devancé. Il est passé devant nous. Oh, purée. Bon, il nous a devancé, style. Comment ça? Comprends pas. Bah ouais, il l'a contacté direct. Arrête, ah ouais. On continue, on lâche pas l'affaire, on met toute la force qu'on a. Et jamais personne ne pourra pas l'affrer mes rêves. En courant balle après les pépettes, ça fait que balader mes rêves. Dis-toi qu'il faudra zapper mes pertes, tard, je veux pas rater l'Eden. On me dit de pas lâcher, je vais me détacher, de m'arracher mes peines. J'taf, d'arrache-pied, non, j'arrête pas de rapper mes textes. De la douleur et de la couleur, parce que l'arabe est mes techs. J'taf, d'arrache-pied, non, j'arrête pas de rapper mes textes. De la douleur et de la couleur, parce que l'arabe est mes techs. Message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.